Y'a pas de demain sans lui, y'a dit ta démence en lui, guette des trucs qu'il est dit, les murs ont des oreilles, les nouvelles vont plus vite que Sébastien Lor pour la presse, casse 80 dans la poche, sous la durée comme la Mac Bosch, on n'a pas les mêmes gimmicks, achève la 12ème à minute, très peu, je t'épique, pourquoi parler de 9 milli, faut qu'il pourfasse ce négro milli, d'appêche, y'a plus d'espoir, mal dans le nom, je me sens easy, fuck la forme, fuck le physique, à l'aise dans l'ombre, on a compris, on se dit ça nous-mêmes, j't'ai aimé si là j'te hais, on dit mais j't'en pas de l'aide, 2-3-7 dans la tête, et vous voyez flou, pas de zoulou, y'a rien dans ce game, vous rendez riche trop de gourou, et ça on le sait depuis tout. Quand on se regarde zéro plomb, faut pas forcer la langue. Ça devient relou à la longue. T'as 80 dans la poche, j'suis très loin de la Porsche. Il a fait péter Rolex, l'autre a pas tech. Mis son cerveau sur le tech. L'autre est puissant qui protège, l'autre qui te piège en te proposant des trucs lèches. Oh là là, là là là. Tu veux t'empiffrer, t'as pas vraiment de cœur. Ça les gens sentent, parlez pas sans. Fais le show quand t'as pas de terrain. Viens, je te fasse terrain. Hein. Nous on a du mérite, fais le malin pour ton héritage. Fils, on sait tous que c'est ça. Hein. Non, c'est pas simple, une m'espace et je l'active pour son bassin. Hein. Non, c'est pas simple, une m'espace et je l'active pour son bassin.